Et ce matin, l'histoire économique part d'une histoire personnelle. Sophie Fay, vous avez envoyé un colis à votre sœur. Effectivement. Et le jour où il devait être livré chez elle, j'ai reçu un SMS me signalant qu'il n'y avait pas le bon affranchissement. Il fallait cliquer sur un lien pour payer 2 euros supplémentaires. Un numéro de colis type Colissimo était précisé. C'était très vraisemblable, alors bêtement, j'ai cliqué. Ah. Une page aux couleurs de la poste s'est ouverte sur mon téléphone, prête à recevoir mes coordonnées bancaires. Je me suis ravisée à temps, je vous rassure, mais l'arnaque était très plausible. Et les spécialistes de la cybersécurité appellent cela du smishing. C'est un mot valise qui mélange SMS et phishing, le mot anglais qui signifie hameçonnage. C'est comme cela qu'on appelle les tentatives frauduleuses pour récupérer un numéro de compte ou des données. Et apparemment, vous n'êtes pas la seule à avoir reçu ce message. Pas du tout. La poste lance une campagne d'information pour alerter les usagers contre ce smishing, ces faux SMS, et contre les faux emails. Ils ne sont pas nouveaux, elle en avait déjà repéré l'an dernier à la même période. L'essor du commerce en ligne avant Noël, ajouté au confinement, rend la période particulièrement propice. Selon la société Checkpoint, spécialisée dans la cybersécurité, ce type d'arnaque a doublé depuis la mi-octobre. Et pas seulement celle au colis ou celle par SMS. Un email sur 800 est une tentative de phishing. On appâte aussi les acheteurs avec des jeux concours, avec des fausses offres spéciales. C'est toujours le cas à l'approche du Black Friday. Alors souvenez-vous que la Poste ne demande jamais d'argent par SMS et que les grandes entreprises ne le font pas non plus. Ces experts recommandent aussi de faire régulièrement les mises à jour d'Apple ou d'Android sur téléphone pour limiter les risques d'intrusion ou de vol de données. Et c'est pas la seule arnaque que vous avez repérée. Non, hier c'était la journée. L'AMF, le gendarme des marchés financiers, a mis en garde contre un dénommé Laurent Chenot qui propose des formations à la finance en ligne, puis met en contact ses élèves avec des courtiers ou des traders. Une quarantaine d'épargnants n'ont pas revu leur argent. Il les a séduits, entre autres, en s'achetant une visibilité dans les médias. On voit ainsi des vidéos de lui sur BFM Business, dans l'émission L'Hebdo des PME, des articles sur le site du Figaro ou de la Tribune. Ce sont en réalité des interviews qu'il a payées. En jargon, on appelle ça du brand content. C'est du contenu qui n'est pas validé par les journalistes, une forme de publicité. Alors en ce moment, méfiez-vous vraiment des fausses promesses. L'histoire économique. Sophie Fay, à la une de l'Obs. Eh bien, il y a Nicolas Sarkozy, l'intrigant de la République. On a enquêté sur sa nouvelle vie, son rôle dans les affaires, notamment au conseil de Lagardère, et ses revenus. En tant qu'ancien président, il coûte près d'1 million d'euros par an aux contribuables et ses affaires privées lui permettent d'en gagner presque autant. Et voilà, c'est à lire donc dans l'Obs, votre journal, Sophie Fay.